bila, hein, ziyada wa bila mukhalafa. Hatta, alors que même si tu donnes un synonyme, là, tu gardes le mot que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a donné. Le Nabi l'arrête et le corrige tout de suite. Avec le même mot. Tu gardes ce mot-là. Tu ne donnes pas un autre mot. Pourtant, c'est un synonyme. Malgré ça, on sait que Nabi ou Béa Rasoul, on sait qu'il parlait du prophète. Nabi ou Béa Rasoul, on sait que ça parle. On sait que ça revient à Nabi, mais malgré ça, le prophète t'a pris une doa, tu ne la changes pas. Il a enseigné aux compagnons les doas, comme il a enseigné les sourates. Donc on ne va pas changer, on va rester cela. Et ça fait partie, on va rester du respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, wa ma'rifati din al-islam bil adilla. Wa islam yani bil ma'na al-am huwa at'abudu lillahi bima shara'a منذ ان ارسل الله عز وجل الرسل الى ان تقوم الساعه. Lorsqu'on parle de l'islam de façon générale, on parle depuis Adam jusqu'au Yom al-Qiyam, c'est ça l'islam. De façon générale. Hein, donc les Moussa et les croyants qui l'ont suivi, ce sont les musulmans. Ibrahim, les croyants que l'on suivit, ce sont les musulmans. Nuh, les croyants que l'on suivit, ce sont les musulmans. Alayhim salatu wassalam. Tous, ce sont tous des musulmans, parce qu'ils sont soumis à Allah Azza wa Jal. Ce sont des muslimines, des soumis à Allah Azza wa Jal. Ala bin ma'na al-am, de façon générale. Hein? كما ذكر عز وجل ذلك في آيات كثيرة تدل على أن الشريعة السابقة كلها إسلام لله عز وجل. قال تعالى يعني عن إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام fait de nous, donc de nous deux des musulmans, des soumis à toi et de notre descendance une communauté soumise à toi. Soumise à toi. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il n'oublie jamais. Dans ses doigts, on remarque qu'il n'oublie jamais sa descendance. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a peur pas que pour lui. Il n'oublie pas aussi le khair. Le khair, il a décidé, il veut que ce soit même pour ceux qui viennent après. C'est pour ça qu'il va faire les doigts même pour ceux qui viennent après Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wal islam bima'na al-khas. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بها يعني بعث يعني بعث بعث بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لأن ما بعثه الله عز وجل به يعني نسخ يعني جميع الأديان السابقة. C'est qu'en vérité, cet islam qui est donc spécifique depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est envoyé, donc cet islam est venu en vérité abroger, rendre caduques les religions qui sont venues auparavant. فَصَرَ مِنْ أَتْبَعِهِ مُسْلِمًا وَمِنْ خَالَفَهُ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ. صَرَ مَنْ اتَّبِعَهُ مَنْ اتَّبَعَهُ مُسْلِمًا وَمَنْ لَا يَتَّبِعُهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. Donc celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est musulman et celui qui ne le suit pas n'est pas musulman. فأتبع الرسل يعني مسلمون في زمن رسلهم. Ceux qui ont suivi les envoyés sont musulmans à l'époque de leur prophète. فاليهود مسلمون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام والنصارى مسلمون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام وأما حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين. Donc les juifs et les chrétiens, chacun à leur époque, chacun qui a envoyé, mais à l'époque du prophète Hassan, s'ils n'ont pas suivi, donc ils ne sont pas, ils ont mécru au prophète et ils ne sont pas musulmans. Et bien sûr, al-Hadadin, dinu l'islam, hu al-Hadi, yuqbal faqat, indallah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu azza wa jal, inna dina indallahi al-islam. Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina, falan yuqbala minhu, wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et celui qui suit autre que l'islam comme religion ne lui sera pas accepté et il fait partie des perdants, donc, c'est-à-dire dans l'au-delà. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et ça, c'est l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas l'islam âme ici. C'est par rapport à l'islam khas ici. Et aussi, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah azzawajal, yani, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum l'islam dina. Ce verset, dont plusieurs savants ont dit que c'était le dernier, donc c'est le dernier verset, ou parmi les derniers versets qui sont venus, après c'est parmi les derniers versets. Et certains disent que c'est le dernier verset qui est venu dans le Coran. Ce que d'autres disent, c'est Taqoyoman Tourjaouna Fihi, l'Allah. Certains disent que c'est ce verset-là. Et d'autres disent que c'est ce verset. Le jour où j'ai compléter pour vous votre religion. Et j'ai parachevé pour vous mes bienfaits, hein, ma grâce, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Din kamil. Hunak. Din kamil. Ni'ma kamila. Hein? Warida kamil. Là, on a une religion complète. Avec une grâce complète et avec un agrément complet. Avec un agrément complet de cette grâce et de cette religion. Ça, voilà pourquoi tu vas rajouter. فَلِمَدَ بَعْدَ النَّاسِ يَزِدُونَ وَلِمَدَ بَعْدَ النَّاسِ يَنْقُصُونَ كَذَلِكَ وَيَقُلُونَ هَذَا مِنُ الدِّينَ النقص من الدين ويقولون كذلك يعني مثلا يقولون هنا هذا وهذا وهذا في هذا الزمن الجديد ما نحتاج لا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يبقى حتى يوم القيامة فتلما تنقص ولا تزيد تكون يحتاج إلى عبادة جديدة ولا تجديد بعض العبادات تجديد بعض الشرائع هاي revivifier soi-disant, rajouter ou bien innover tout simplement. Mais ils vont dire revivifier, ils vont trouver des nouveaux mots, des mots qui n'ont pas à voir en vérité avec l'innovation. Là, la religion, alhamdulillah, elle est complète, elle reste comme elle est. Elle est immuable. On ne parle pas de ce qui est moubah, de ce qui est permis qu'on peut utiliser. Ça n'a rien à voir avec le djinn. Même si on l'utilise pour le djinn. On parle de l'adoration. Les du'as sont connus et les du'as qui sont qui sont écrites, qui sont mentionnées par le prophète Hassan, et les doigts que tu as le droit de dire de ce que tu as besoin dans la vie d'ici-bas. Hein? Il y a l'afkar ou il y a l'adriya, tu vois. Il y a l'afkar qui sont mafoura, il y a l'adriya qui sont mafoura, il y a l'adriya qui sont en vérité ce que tu as besoin, talab. Tu ne vas pas venir inventer des nouvelles doigts. Il y a des prières, les prières sont connues, tu ne vas pas rajouter des prières. Il y a d'autres trucs comme ça, il y a plein de choses comme ça, il y a des larves, il y a des paroles qui sont à dire dans les prières, tu n'en avais pas rajouté des paroles. Tout cela, tu ne vas pas venir inventer et tu le rends comme si c'était de la religion. Tant que ce n'est pas de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas en vérité une législation. C'est tout simplement pas, c'est pas une chadera. Parce que ça ne vient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bi aïché, il n'y a pas oublié de dire shir, bil adilla, wala isa min aqlina. وليس من تجربنا وليس من ذوقنا j'ai essayé comme ça, j'ai remarqué ça marche, ben je le fais ça, je me sens bien, j'ai décidé de faire 700 fois Allahu Akbar après salat al-subh, ça marche bien, faites-le tous, je me sens bien quand je le fais, faites-le tous, tu peux pas dire ça aux gens, ça se fait pas, et ça c'est justement bil adilla, donne-nous le dalil que ça se fait. Et lui va venir, il va dire je l'ai fait. Donc c'est pas ça l'islam. L'islam c'est avec ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ramené. Bi al-adilla. Et aussi lorsqu'on dit, bien sûr, donc, ma'rifat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, on dit, enfin, bi al-adilla, on a des dalils. Allah seul dit bien Mohamed Rasulullah waladina ma'ahu Mohamed Rasulullah, donc Allah yabalik Mohamed Rasulullah, donc on est obligé de croire. Hein? Wama Muhammadun illa Rasulun qad khalat min qablihi Rasul. Certes, vous voyez, n'est qu'un prophète, et des prophètes sont venus avant lui, sont venus en vérité avant lui. Donc ça c'est une preuve. Et lorsqu'on dit donc bil adillah, ça c'est parmi les preuves. Et après c'est quoi le oula? Donc c'est oula, c'est l'ilm. Et après c'est quoi? Donc après l'ilm il y a quoi? العمل ها العمل به الثاني دونك الثانيه العمل به والعمل به اي العمل بما تقتضيه هذه المعرفه من الايمان بالله والقيام بطاعته وامتثال اوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصه والعبادات المتعديه فالعبادات الخاصه مثل الصلاه والصوم والحج والعبادات المتعديه كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وما اشبه ذلك والعمل. Maintenant, il faut mettre en pratique ce que tu as lu, ce que tu as su, ce que tu as appris et compris. Tu as assimilé la chose. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que tu le mettes en pratique. Allah Azza wa Jalla t'a ordonné maintes et maintes fois dans son livre et aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il faut prier. Comme quoi il faut prier à l'heure. Comme quoi il faut prier avec le groupe. Comme quoi, par rapport à la salat. Comme quoi, comment se fait le rokou, comment se fait le soujoud. Qu'est-ce qu'il faut dire entre les deux. Tout cela, tu l'as appris de où? Tu l'as appris, alhamdulillah, des textes sacrés du Coran, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu l'as appris de quelque part. Mais des preuves authentiques, alhamdulillah. Et tu les as acceptées, et tu t'es soumis à cela, et tu les mets en pratique. C'est ça l'amal ubihi. C'est ça ce qu'on appelle l'amal ubihi. Tu as décidé de payer la zakat. tu sais que tu dois payer 2,5% de ton économie. Dès qu'elle a dépassé, donc l'équivalent des 85 grammes d'or. Maintenant, je ne sais pas si tu dois faire 1400, 1500, ça dépend du taux de l'or. Hein? 1750. Si tu as gardé du premier ramadan, par exemple, au premier ramadan, 1750 ou voire plus, donc 1750 c'est le seuil minimum, et pendant un an, tu ne les as pas touchés, et que tu es arrivé à une certaine somme, le premier ramadan de l'année d'après, qu'est-ce que tu fais? Tu les sors en zakat. Tu vas en combien? Un 1/40, donc 2,5%. Robot al ushur, comme on dit. C'est-à-dire, en vérité, donc un 1/4. En vérité, comme on dit, un 1/4. Donc un 1/40, ou plutôt 2,5%. Donc 1750, 2,5%, ça ferait. Et 43. 43. 43 euros, un exemple. Si par exemple la personne devait payer la zakat, c'est un exemple. La personne ne va pas se dire, je vais payer 25%, elle ne va pas l'inventer. Il va venir, il va rechercher comment je dois faire. Donc ça, c'est bil adil là. Ça, c'est parmi les preuves que tu es en train de respecter l'islam. Parce que tu l'as fait bil al adil là. Tu l'as fait en vérité bil adil là. Voilà, amel obéi. Donc par rapport à ça, soit salat, soit zakat, soit somme, le hajj. Les gens vont le hajj, qu'est-ce qu'ils font en général? Fil masjid, yallah. L'imam, durus fil hajj. Avant le hajj, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dars fil hajj. Quelques questions, réponses afin de comprendre. Il arrive fil majlis nabawi, yasma, yajlis al ulama fil majlis nabawi. Il écoute, kulluhum fil hajj. Là-bas fil hajj. Questions, réponses, allez. Fil hajj, il part. Il y a des tawiyya. Il y a des kiosques avec des docteurs en sharia, des choses comme ça. Les gens, ils vont leur poser la question, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux pas faire ça? J'ai fait ça avant ça, comment je dois faire? Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il revient. Ulama, il revient à Allah et à son prophète pour connaître en vérité ce qui est à savoir dans son rite religieux. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et après, donc, ça, c'est l'amal obéi. Parce qu'il veut mettre en pratique. Après, al-thaniya wa da'wa ilayhi. Da'wa tu ilayhi. Il va appeler les gens. Il va appeler les gens à cela. Fad-da'wa ilayhi. إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شريعة الله عز وجل على مراتبها ثلاثة أو الأربعة التي ذكر الله عز وجل في قوله أدعو إلى سبيل ربك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة وملعدة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن بقوة لأن مراتب الناس مختلفة les gens en vérité sont différents. فأن الله عز وجل قال ادعو الى سبيل ربك ما قال ادعو فقط الى سبيل ربك الى الدين الى القران والسنه الصحيحه على voix de ton seigneur celle dont Allah azza wa jalla t'a montré fima araka Allah de ce que Allah t'a montré ادعو الى سبيل ربك donc le coran et la sunna authentique bil hikma avec sagesse لان هناك بعض الناس الحكمه تكفي لهم. Tu lui expliques, alhamdulillah, que ça c'est comme ça. Il accepte tout de suite. Yastasim alatol. Et ça suffit pour lui, bil hikma. Il y a des gens, ils ont besoin de savoir. Oui, mais ils sont plus questionneurs. Oui, mais ils savent ça. Ils ont des fois des. Pas des réticences, mais ils veulent plus savoir. Ils ont besoin de rentrer en profondeur. Donc en ce moment, il faut quoi? Il faut le mawaida al-hasana. Il faut un peu plus de temps. Donc tu as besoin de quoi? De plus parler, de plus expliquer, de plus argumenter. الناس مختلفون الناس مختلفون والعقول مختلفون مختلفه سي نورمال c'est pour ça qu'Allah nous montre voici les catégories des gens qui existent dans la vie donc c'est normal c'est pas parce que tu vas dire trois mots qu'il n'y a pas accepté ça veut dire qu'il n'est pas bien il faut pas penser comme ça الناس مختلفون les gens sont différents par rapport à l'acceptation par rapport à la compréhension par rapport au besoin de réfléchir dessus donc faut pas se presser la dawa elle demande de la sagesse et de la patience. Donc le hikmah pour celui qui accepte facilement. Le mou'id al-hasana pour celui qui a besoin de harf, warad, il a besoin. Wa jadilhum billati hiya ahsan. Quand il y a un chers mu'anid, lui t'as affaire à quelqu'un qui va être plus méchant, il va être un peu virulent, il va être ceci. Alors tu dois réussir à donc casser ces arguments de virulence et tout. Comment? Wa jadilhum billati hiya ahsan. De la meilleure façon. C'est pas parce que c'est là que tu dois t'énerver. C'est pas parce qu'il est méchant que tu dois être méchant. C'est ça que ça veut dire. Donc tu vas quoi? Tu vas pas sortir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas répondu au mal par le mal. On les transgresse, ils se retournent. Quand tu lui dis rends-moi mon bien, il lui donne, il leur demande de rajouter pour ne pas faire préjudice. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il montre, il te fait billati hiya ahsan. Et c'est quoi? وَمَا يُلَقَّهَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. C'est pas donné à tout le monde. C'est وَمَا يُلَقَّهَ إِلَّا الْحَظِّ الْعَظِيمِ. C'est en vérité que ceux dont Allah a vraiment douté de cette patience et d'une grande part de bien pour pouvoir être comme ça. Et ça, c'est ça, c'est maratib al-da'wa. C'est-à-dire maratib al-nas fi al-da'wa. Qui ont asnaf al-nas fi al-da'wa? Les catégories de personnes que l'on a en face de nous lorsqu'on parle. On a déjà vécu. Des gens, alhamdoulilah, c'est tout de suite. Il y a des gens, hein, alhamdoulilah, on le ressent. Il y a des gens, il faut plus de temps. Il y a des gens, ils sont mu'anidin. C'est pas parce qu'ils sont mu'anid qu'ils ne vont pas accepter. Combien de mu'anidin, on les a vus à la mosquée avant ceux qui acceptent. Là, on les a vus saler avant ceux qui acceptent. Tu parles avec, là, tu acceptes facilement. Il est plus, c'est-à-dire, il est ouvert à la parole. Il écoute, il aime bien ce que tu dis. Là, qu'il lui manque, hein, le tawfiq min Allah pour qu'il rentre dans la prière. L'autre, il vient, il va des fois être virulent, et cependant, c'est lui que des fois tu revois en train de faire le sujoud avant l'autre. Ça, c'est déjà des choses que personnellement j'ai vu, sûrement peut-être vous aussi, mais c'est pour dire, c'est ça ce qui existe. Celui-là, il arrive à la mosquée, cependant. Hein? Allah, ça, Allah, il a dit Mayyash. C'est pour dire que tous les cœurs, même du mu'anid, il est dans les mains d'Allah, yuqallibu Mayyash. Tous les cœurs ils sont dans les quoi dans les, de, entre deux doigts des doigts du miséricordieux et il retourne comme il veut. Donc même du plus dur, même du plus dur, si tu crois que tu vas penser que non, n'oublie pas que la miséricorde d'Allah elle est au-dessus et au-dessus en vérité de toute chose. Et ça c'est important de penser qu'Allah guide, de pas oublier dans la dawa que c'est Allah qui guide et que c'est Allah qui quoi qui détient justement ces cœurs. Et il les retourne comme il veut. Si tu as bien compris ça, pour toi c'est quoi? Tu seras justement un muzakir. Rasta alayhim bi musaytir. Fadakir innama anta muzakir. Rasta alayhim bi musaytir. Rappelle, tu n'es qu'un rappeur, mais tu n'as pas vérité d'emprise sur eux. Ne crois pas parce que tu as dit la vérité qu'il est obligé d'accepter. Des fois il y a des gens, donc ça il y a des catégories de gens. Alhamdulillah, les gens acceptent facilement. Ils vont te suivre tout de suite. Ils vont accepter de faire la prière. Il y a des gens, il y a besoin de plus d'explications. Ouais, mais parce que les choubouettes de la vie. Hein, contre l'islam qui entend dans tel livre ou dans telle émission ou par des gens donc ils vont peut-être toucher et ça rentre dans son cœur, c'est difficile pour que ça sorte. Faut que toi tu l'enlèves par la vérité. Mais d'où elle vient la vérité? Elle vient du ilm. D'où elle est la vérité? Elle est où la vérité? Elle n'est pas cachée dans le prochain. Elle est cachée par le fait qu'on va se fatiguer. À quoi apprendre? On n'a pas demandé à ce que tout le monde devienne savant, mais au moins que tout le monde connaisse au moins un minimum pour lui, pour qu'il enlève le djinn de qui est en lui, qu'il enlève l'ignorance qui est en lui, et aussi pourquoi pas bien-là qu'il fasse profiter en vérité autre que lui dans cela. Donc la dawa, c'est pas n'importe quoi. Et le Nabi aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dit aussi. Donc aussi Allah Azza wa Jalla dit toujours وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Et donc ne parle pas avec les gens du livre que de la meilleure façon. Hein? Ne discute pas avec les gens du livre que de la meilleure façon. Illa billati hiya ahsan. Allah Azza wa Jalla nous montre qu'en vérité avec lui comment il faut être. Tu vois, c'est de les attirer. Hein? Sauf ceux qui sont en vérité injustes parmi eux. Et cette da'wa, elle est bi'ilm. Faqal qul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallah wa ma ana min al mushrikin. Dis, celle-ci est ma voix. Hadi sabili. Voilà, tout ce que je fais, ça va être le. Suivez-moi si vous voulez en vérité être dans ma voie. Je l'ai tracée, elle est claire, elle est là, elle est large, elle est en face, elle est tout droit, elle est simple. J'appelle à Allah, adou il Allah. Il faut appeler à Allah, il ne faut pas appeler à ton nefs. Ton nefs, tu le mets de côté. T'es bien fait, hein, pour que tu gagnes plus d'argent ou quoi que ce soit, ou pour que tu aies plus de monde dans la mosquée. Allez, c'est pas important. Une personne qui est ici et qui profite de ce que tu as, c'est déjà beaucoup pour toi auprès d'Allah Azza wa Jalla. C'est énorme. C'est énorme. Hein? Walayn. Hein? Yani. Hadith. Layna ajallahu bika yani rajul wahida khairun min hubulin ni'am. Si Allah guide une personne par ton billet, c'est meilleur que la meilleure monture. La chamelle rose qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on va dire, allez, la grosse Mercedes, un exemple. La grosse voiture qui est aimée par tout le monde. Hein, qui est convoitée par tout le monde, un exemple. Meilleur que cela. C'est meilleur que cela, imagine un peu. une personne que tu as guidée dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. Après, il dit ala basiratin, avec clairvoyance. Même ala basira, ma'ana al-ilm, al-nafi', al-ilm, al-sahih, la vraie science, la science profitable. Ana, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa man ittaba'ani, et ceux qui sont comme moi, ce sont eux les vrais guides. Ceux qui me suivent, ce sont eux les vrais imams. Ce sont eux les vrais guides. Hein? Ce sont eux qui vont appeler à la voix d'Allah Azza wa Jalla. Ana wa man ittaba'ani. Et après il termine, wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Et subhanallah, gloire à Allah, je ne fais pas partie des associateurs. Je ne fais pas partie des associateurs. Car le shirk, c'est ce qui a été, c'est le shirk, hein, c'est en vérité l'élément où Allah Azza wa Jalla a plus, quoi, déconseillé, ou plutôt, il a plus prévenu contre. Il a plus prévenu contre le shirk dans le Coran, c'est contre ce qui a été la chose dont Allah a plus prévenu dans son livre, c'est le shirk. Parce que justement, waqa'a hatta 'inda kathirin min al-muslimin. Aw man yad'i annahu muslim. Il y a tout fil qubur, il y a dans l'amwat, il y a akhiri. Wa hada min al-shirk. Et aussi dans le shirk qui en plus, la partie du, ou bien le shirk qui est le plus aussi prévenu dans le shirk, même c'est du'a. Le fait de demander à autre qu'Allah Azza wa Jalla, c'est là où Allah Azza wa Jalla a prévenu le plus. Là où Allah Azza wa Jalla a prévenu le plus, et c'est là où le musulman doit prévenir le plus. Parce que c'est là où les gens, parce qu'ils peuvent très bien faire des péchés, commettre des péchés, et la tawba elle est plus facile, mais quand ils sortent d'islam, là après c'est complètement. Hein, ils sortent d'islam alors qu'ils croient miskin, qui est dans la vérité. Et ça c'est grave, c'est pire, et de les laisser comme ça. Et bien sûr, la da'wa, elle se propage à Kulihel par plusieurs façons. Hein, fait le khutba, fait le durus, fait l'ashreta, fait le kutub, hein, fait le ziyarat al-nas et l'akhiri. Le fait d'aller visiter quelqu'un que tu connais bien, tu vas le voir chez lui par exemple, ou bien tu le rencontres par là, dans le minbar, dans la mosquée. Afdal chef le masjid. La mosquée, c'est ce qu'il y a de meilleur. Le julus, le masajid. S'asseoir. Le minbar. Le kitaba. Hein, les sautillettes, les livres, les cassettes, les audios, alhamdoulilah, qui maintenant n'a pas un radio cassette ou quoi que ce soit, je veux dire un MP4 ou un MP3 dans sa voiture. Maintenant qu'un MP3, tu peux mettre des tonnes et des tonnes de durus. Tu mets ceux qui connaissent l'arabe, bismillah, lorsqu'ils vont au voyage, ne serait-ce que le fait d'aller au travail, un quart d'heure l'aller, un quart d'heure le retour, il y a déjà écouté avec une demi-heure de dars par jour. T'as déjà fait ton petit dars dans la journée. T'essayes de te concentrer dans ça, déjà c'est un khair. Compte, au bout de quelques années, qu'est-ce que ça fait? Ne regarde pas que c'est pas beaucoup. Sur le jour, c'est pas beaucoup. Là, les montagnes, elles sont construites de petites pierres. Donc tu auras une montagne de soi, c'est parce que tu as commencé par construire des petites pierres. Là, t'as sta'ajil. Al-mudawama. Al-musabara. C'est comme ça que ça vient. Ne te presse pas parce que la continuité et la patience, Allah Azza wa Jalla te donne. Il te donne énormément. Il va te donner énormément. Et si tu te souvenais comment tu étais avant, que tu ne connaissais rien, et que plusieurs années après tu as vu qu'il y a un changement en toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas louer Allah Azza wa Jalla, tu vas dire Alhamdulillah, ala hadi ni'ma. Donc Alhamdulillah, louange Allah pour ce bienfait. Pour ce bienfait. Comme ça. Il reste combien de temps? Donc on va terminer avec le sabr, hein, le sabrou ala al-azafi. Donc patienter sur, bien sûr, hein, les épreuves, sur ce qui va t'arriver. Tu vas faire dawa, on peut te sortir de la mosquée, à coup de pied peut-être. On va dire que t'es un menteur, on va dire que t'es ceci, on va dire plein de choses. On va pas accepter, on va dire t'es trop virulent, on va dire il dit n'importe quoi, on va dire il fait des erreurs. Nous on trouvera quelque chose. Le sabr ala al-azafi. C'est pas tout le monde qui va avec elle accepter. Tu ne pourras jamais contenter tout le monde. Donc tu patience. Et en réalité, ça c'est une parole de Ibn Qayyim rahimahullah. C'est pas Mohammed ibn Abdul Wahhab qui a dit ça. L'ilm, hein, l'amal, l'da'wa, l'assabr. Ça vient pas de lui. Ça vient de ceux qui étaient avant lui. Ibn Qayyim rahimahullah, il a déjà mentionné. Rahimahullah. C'est lui qui a mentionné ces quatre principes-là. Déjà avant. Donc il n'a fait que prendre en vérité de ceux qui étaient avant lui, de ses pieux prédécesseurs. L'assabr, c'est quoi? C'est حبس النفس على طاعة الله وحبسها عن معصية الله وحبسها عن تسخط من أقدار الله فيحبس النفس يعني عن التسخط. Le sabr, c'est le fait de retenir son nefs dans l'adoration d'Allah. C'est la meilleure, c'est la meilleure patience. C'est de patienter dans l'adoration d'Allah. Et la deuxième catégorie, c'est patienter sur le fait de désobéir à Allah. Donc tu ne commets pas les péchés. Ça, c'est en dessous, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est de patienter lorsque Allah t'afflige un malheur et que tu te taises et que tu ne fasses pas des choses qui vont encourir la colère d'Allah. Il y a des fois un mort dans la maison. Et puis ça y est, et les gens ils s'arrachent le visage, ils arrachent les habits. Ya Allah, pourquoi t'as pris mon fils? Qu'est-ce que je t'ai fait? Adala ya juste haram. Allah Azza wa Jalla t'a donné, alhamdulillah, il t'a repris, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'u. Ça c'est Ahlul Sabr qui dit ça. Fa'ala diyasbir. Wa yaqul alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'u. Allah Azza wa Jalla, madala yafhal. Yabni lahu baydan fil jannah. لما جاء الملائكة جاءت الملائكة إلى الله عز وجل فالله عز وجل قال يعني قبضتم يعني ولد عبدي vous avez pris le fils de mon serviteur قالوا نعم يا رب نعم بمعنى الحديث on sait jamais que j'oublierai quelques lafs il dit قبضتم فمرت فؤاده Allah dit vous avez pris le fruit de son cœur. Chaque enfant, c'est le fruit du cœur de ses parents. Les parents aiment énormément leurs petits-enfants. Il était donc l'enfant est mort en bas âge. Ils ont dit oui. Qala Allah Azza wa Jal, mada qala abdi. Qu'est-ce qu'il dit, mon serviteur? Qala al-malaika, qala al-malaika, mada hamidak wastarja. Il t'a loué, il a dit alhamdulillah, et il a dit inna lillahi wa inna ilahi raji'un. فقال ابن أوله بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. Construisez-lui une demeure au paradis et en plus appelez, donc écrivez un écriteau, appelez cette maison. Ça c'est une ni'ma, elle a un nom, c'est un nom de noblesse, la maison de la louange. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il suffit que juste de quoi, de patienter, de dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et alors il donne après ça, malgré ça, hein, quelque chose fait le jannah. Al-Bayt al-Jannah. Ni'ma. C'est une grande ni'ma. Et comme on l'a dit, parmi les trois catégories, la plus importante, c'est de patienter sur, dans l'adoration. Pourquoi c'est, ça passe avant de patienter dans l'adoration que de patienter sur les péchés? C'est quoi la différence? L'adoration, ça demande quoi? Des efforts intalables. Tandis que les péchés, ça demande quoi? Talq. Un délaissement. Wa talq ashal min al-talab. Délaissement, c'est plus facile que quoi que de faire. C'est plus facile de dire, ben moi je bois pas. Tu as délaissé l'alcool. Après, c'est devenu. Non, ouais, tu penses même plus. Voir que tu n'as plus d'effort à faire. Tu n'as pas d'effort à faire. Comme si c'était le fait d'aller se réveiller au sopra la mosquée, un exemple. Quel est le plus difficile? De délaisser l'alcool ou d'aller prier au sopra la mosquée? C'est le plus difficile d'aller au sopra la mosquée. Donc, c'est un talab. Il y a des efforts à faire. C'est pour ça que c'est plus récompensé. Et c'est pour ça que c'est plus haut en degré dans As-Sabr. C'est pour ça que c'est plus haut en degré dans As-Sabr. Ici, il y a ce qu'on appelle At-Talab. Il y a une demande. Tu dois faire des efforts. Tu dois être Tark, c'est sale. Et en plus, Allah Azzajal nous a interdit, en vérité, généralement, réellement, il nous a interdit quoi, Allah Azzajal? Ce dont on n'a pas besoin. Ce dont la nature saine n'a pas besoin. Donc c'est beaucoup plus facile aussi par rapport à cela, tout simplement de le délaisser. Naam. Et Allah Azzal dit, par rapport à ça, donc bien sûr, donc après le délit, hein, c'est terminé l'heure, c'est l'heure. Il reste 5 minutes. Donc on va lire vite fait la halwa de délit, qu'Allah Ta'ala, wa l'asr, inna l'insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bil sabr. Et le délit, c'est l'asr, la sourate que vous connaissez. Donc Allah Azza wa Jalla, أقسم بالزمن بالزمن لأن الزمن غالي عند من يعرف قيمة الزمن. Le temps est cher pour celui qui connaît en vérité la valeur du temps. الزمن عند مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ليس الزمن عندنا. Le prophète aime tout son temps, il passe en adoration. Il connaît la valeur du temps. Nous, on ne le connaît pas de la même façon que lui. Ou là, par rapport au ulama, par rapport à Ibn Baz, par rapport à Ibn Taymiyyah, par rapport à l'imam Malik, par rapport à l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, il prie 300 rakhas par jour. Ça fait combien par... Si maintenant, imaginez-vous qu'une rakhah, il fait en une minute. Ça fait 300 minutes, ça fait combien d'heures? 5 heures. Ça. Alors que c'est peut-être plus, parce qu'il y a quand même le TSM, il y a peut-être, on ne sait jamais, 4-5 repos, secondes de repos avant de reprendre. Et si tu comptes à chaque fois, d'un exemple, c'est des heures et des heures tout ça. 300 rakhas, c'est les gens qui connaissent quoi, la valeur en vérité du temps. Voilà. Inna l'insan la fi khusr. Hada asul insan. L'origine de l'insan, c'est quoi, fi khusr? Qu'il est dans la perdition. Sauf istithna. Il a ladina amanu wa amilu salihat. Ils ont cru et ils ont œuvré. Ma yakfi al-iman faqat. Comme ils disent certains des gens, l'iman fi al-qalb faqat. Là, l'iman fi al-qalb wa yusaddiquhu al-amal. Cherche à dire qu'il a un iman qawi, il vole, il ment, il fait, il fait, il fait. Sa foi, il ne peut pas être forte. Lisanuka, hein, kadibatun jawarihak. En vérité, ta langue a menti par rapport à ce qu'on voit dans tes gens, dans tes actes, dans tes membres. Tes membres sont en contradiction avec ce que tu dis. Donc il faut, il a l'adin aman wa abdu salahat, wa tawassu bil haq, wa tawassu bil sabr. Et il se recommande. Quoi, la vérité, il se recommande de patienter dans la vérité, dans cette vérité. C'est-à-dire qu'il demande, il se recommande la vérité, et alors réveille-toi, c'est l'heure du soupe, et il se recommande aussi la patience. Donc demain, tu continues. Il relève-toi encore et patiente. C'est pas parce que hier, c'est pas parce que deux, trois fois tu l'as appelé, que tu dois en vérité le délaisser comme ça, tu dis, classe, moi je m'en fous, j'ai fait mon travail hier, je lui dis de se réveiller au soupe, et il continue à dormir. Aujourd'hui, il se réveille encore. Non. Watawa, ça me semble. Tu continues encore. Ça, c'est un exemple pour qu'on voit un petit peu une illustration en vérité de comment on pourrait comprendre ces versets-là. Donc ces versets-là. Il reste 2 minutes. Donc voici en vérité comment il faut être. Et Nabi Allah Azzawajal qu'a yani kuntum khira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté qui était sortie de chez les gens. Hein? Donc qui fait partie des gens. Car vous ordonnez le bien et vous réprouvez le mal. Vous appelez aux gens vers le paradis et vous les éloignez de l'enfer. Vous appelez les gens vers le paradis et vous les éloignez de l'enfer. Vous les appelez à l'adoration d'Allah et vous leur interdisez de désobéir à Allah. Vous les appelez vers la foi et vous les protégez en vérité du shirk. Hein, et du politisme et autres. Donc, on va juste terminer avec la parole du même Shafi'i. Donc, elle est courte. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Si seulement Allah avait descendu que preuve, que cette preuve-là, c'est comme preuve envers sa communauté, que ce verset, cela aurait été suffisant. Je vous dis, mais on ne trouve pas la salat, on ne trouve pas tout le reste. Mais maintenant, en vérité, que ce verset-là, il englobe tout. Que cette surat-là, en vérité, elle englobe tout. Parce qu'il y a l'amel, hein, il y a l'iman, il y a le qol salih, hein, il y a le sabr. Donc, il y a le din en vérité complètement. On retrouve ici, justement, l'ilm. Ça, on retrouve donc, ici, il y a le din amanu bil ilm, wa amilu salih al-amal, wa tawassu bil haq. Dawa, ils font dawa, donc le sabr alayhi. On retrouve les 4 maratines même dans cette surat là. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc, inshallah, demain on continuera, la kulhal, on verra quel livre, inshallah, ensemble. Donc la même chose, 8h moins le quart, inshallah, 8h moins le quart, 8h quoi.